can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Excellente année 2016 à toutes et à tous et bienvenue pour ce 26e émission de la mécanique des ondes sur fréquence protestante, trois quarts d'heure en direct pour la première fois depuis un an et demi, et oui je le souligne, pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui je reçois une journaliste que nous entendons en ce moment sur les ondes de RMC le matin depuis peu et auparavant sur France Info, Raphaël Duchemin, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonne année à vous. Meilleurs vœux également. Également, on va voir ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2016. Première question traditionnelle de l'émission, vous êtes au micro d'une radio associative, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? J'ai jamais fait de radio dans une radio associative, non. J'aurais bien aimé en fait. Je pense que peut-être j'aurais dû d'ailleurs. Pourquoi j'en ai pas fait, j'en sais rien. Il y en avait sûrement à côté de chez moi dans le Var. Il y en a, je sais qu'il y en a, mais ça m'est jamais venu à l'esprit, non. Alors, comment vous en êtes venue à être journaliste? Alors, je crois que je suis tombée dedans toute petite. Alors, je pense que la question, vous la posez à tout le monde et que beaucoup doivent vous faire la même réponse. Mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être journaliste. De toute petite, je voulais absolument expliquer les choses, aider les gens à comprendre ce qui se passait autour d'eux. Je disais à mes parents, je veux être journaliste ou interprète. Pour moi, il y avait finalement des similitudes entre les deux métiers parce que c'était aider les gens à comprendre et à traduire finalement ce qui se passait autour d'eux, à traduire le monde, quoi, tout simplement. Alors, justement, ça doit décider de vos études lorsqu'il faut faire le choix des études à faire. Et ça tombait plutôt bien parce que j'étais vraiment, vraiment nulle en maths et en physique, la même chose. Donc, c'est allé assez vite, hein, côté choix. Je me suis dit, bon, le français, ça se passe bien. J'aimais bien l'histoire géo, j'aimais bien l'anglais. Donc, j'ai fait, évidemment... un bac à l'époque, hein, j'ai 43 ans, donc à l'époque c'était un bac A2 en l'occurrence. Et bon voilà, ma carrière était finalement assez tracée, puisque derrière des études littéraires, ça se posait plus. Hein, j'allais forcément entamer des études de journalisme. Après, bon voilà, restait à savoir quel biais j'allais prendre. Et ça après c'est plus compliqué. Alors, il faut nous raconter maintenant. Hein, Alors, il faut raconter. J'étais déjà un peu râleuse, beaucoup, j'avoue. J'aimais bien les choses qui n'étaient pas simples et qui coulaient pas de source. Donc, on voulait m'envoyer en Hippocagne. Je me suis dit, c'est un peu rabat-joie, Hippocagne. Et j'ai une prof de français qui m'a dit, non, tu vas t'ennuyer là-bas. C'est pas pour toi. Que ceux qui ont fait Hippocagne ferment leurs oreilles parce qu'on m'a dit il y a des rats de bibliothèque. Alors, je pense que c'est faux, mais ça m'a quand même un peu découragée. Du coup, je me suis dit, je vais tenter de passer des concours d'école de journalisme. Directement après le bac? Non, alors après le bac, donc j'ai eu mon bac, j'étais à l'école à Toulon, je suis varoise. Donc j'ai eu mon bac à Toulon et je me suis dit, je vais tenter Sciences Po, tout simplement. Donc j'ai fait une prépa pendant l'été, j'ai rabâché. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis d'une famille pieds noirs. Par ma maman, qui est assise derrière moi, qui m'écoute. Et ma foi, cette année-là au programme, il y avait les De Gaulle de la Couture, qui est un très grand historien. J'ai rabâché, j'avais de très bonnes notes pendant toute ma prépa. Évidemment, il y avait un concours à la fin. Et je me suis sabordée au concours. J'ai pris 2 en sciences politiques. Parce que le jour du concours, je me suis dit, moi, petite fille de pied noir, je ne peux pas dire De Gaulle est bon, De Gaulle est génial, De Gaulle est gentil. Si c'est ça, faire Sciences Po, je ne vais pas y arriver. Ça va être trop difficile pour moi de contenir finalement ce que je pense. Donc, j'ai fait une sorte de portrait au vitriol du général De Gaulle. Alors, il y avait tout. Il y avait toute sa biographie à l'intérieur. C'était bien. Sauf que c'était très ironique et que manifestement ils n'ont pas aimé. Alors vous êtes refusée à Sciences Po, vous faites quoi? J'ai passé un autre concours, le concours de langues étrangères appliquées à Aix, puisqu'à l'époque LEA à Aix, ça se passait sur concours, donc j'ai été reçue. J'ai attaqué mon année en me disant, bon bah puisque c'est pas Sciences Po, on va faire LEA et puis on verra, ça m'amènera toujours quelque part et je passerai un concours après. Et puis malheureusement pour moi, il y avait de la comptabilité. Donc les maths revenaient. Si tout va bien, je suis là jusqu'à 55 ans et j'aurais toujours pas validé mes UV. Donc j'ai tenté d'autres concours à la fin de l'année sans valider mon année je suis partie pour Paris où j'ai eu une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ Paris, qui est la plus vieille école de journalisme, et j'ai été reçue, donc j'ai fait mes 3 ans. Alors justement, 3 ans, vous découvrez tous les médias, vous tâtonnez un petit peu. Alors j'avais pas de prédisposition particulière pour la radio, je voulais être journaliste mais c'était pas encore déterminé, je ne savais pas si je devais aller vers la presse écrite, si je devais me tourner vers la télévision ou vers le micro. Et puis, comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, en deuxième année, j'étais un peu courtisée par mes profs qui me disaient « Viens chez moi, viens, tu vas aller en presse écrite. Non, non, viens chez moi, tu vas aller en télé. » Et le seul qui me disait « Écoute, la radio, c'est vraiment pas fait pour toi », c'était le prof de radio. Je dis « qu'à cela ne tienne, c'est là qu'il faut que je progresse. Je prends donc radio, troisième année. » Et c'est ce que j'ai fait. Vous aimez bien vous mettre des difficultés, donc. Écoutez, je crois que ça m'a pas trop mal réussi, a priori. Franchement, je regrette pas. Je regrette pas parce que j'ai découvert un monde vraiment à part. La radio, vous le savez comme moi, Cécile, c'est un univers. On est à la fois loin des gens parce qu'on ne les voit pas, mais on est proche d'eux. Tout passe par la voix, tout passe finalement par les émotions. Je crois qu'il n'y a pas de plus beau média que la radio parce que on entend tout finalement dans les intonations. On est obligé de décrire ce que les gens ne voient pas. Donc finalement, c'est un média pour moi qui est le plus complet. C'est à la fois le média de l'instantanéité parce que tout va très vite, et en même temps, c'est un média où on peut, comme ici, prendre le temps, décrypter, expliquer, se poser. Donc il y a vraiment tous les tempos dans la radio. Alors, lorsque vous êtes à l'ESJ Paris, il faut faire des stages. Donc, vous avez envie, vous postulez à des radios pour des stages ? J'avais fait pas mal de Var Matin, hein, puisque c'était le quotidien régional avant. J'ai pas vraiment postulé pour des stages. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de dernière année, mon professeur de troisième année, Jacques Thévenin, qui a à l'époque gérer le grand planning de Radio France avec le fameux planning de Radio France avec tous les jeunes qui veulent absolument qui sont là, qui trépignent, qui veulent absolument devenir journaliste. Ils trépignent toujours, Oui, c'est dur le planning. Il faut vraiment s'accrocher, mais les plus méritants y arrivent, hein, il faut pas lâcher. Donc Jacques Thévenin me dit: écoute Duchemin, t'es une emmerdeuse, tu pars en Corse. On avait fait des petites cassettes, on s'était enregistré. Alors j'ai dit, ah bon, je pars en Corse, mais moi je voulais aller travailler à RTL Toulon, là, j'étais allée les voir. Je me dis, écoute, t'as une demi-heure pour réfléchir. Je dis, bon. Donc je suis sortie, j'ai réfléchi, j'ai appelé RTL Toulon, j'ai dit, je crois que je vais pas pouvoir venir cet été. Et je suis rentrée dans mon cours et j'ai dit, banco, on part en Corse alors. Voilà, il avait envie de voir ce que j'avais dans le ventre, paraît-il, donc il m'a dit, je vais t'envoyer là-bas, ça... Comme ça, on va voir un petit peu. Puis bon, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, puisque après, ils m'ont rappelé. J'ai travaillé là-bas régulièrement, en CDD, en pige. Et puis, ils ont fini par m'embaucher de Garlas. Donc, du coup, c'est à la sortie de vos études, ça, hein? C'est à la sortie de mes études, ouais. Donc, ouais. Vous vous expatriez en Corse En fait, j'ai un petit peu résumé, mais quand on rentre sur le fameux grand planning de Radio France, on a forcément une radio d'attache. Donc, moi, c'était devenu la Corse. Et par ailleurs, on est obligé de faire un petit tour de France avec son petit baluchon. On nous appelle, allô, où es-tu? Bon, écoute, tu sautes dans un train, tu t'en vas à Rouen, tu t'en vas au Havre, tu t'en vas dans les Landes, parfois pour une semaine parce que quelqu'un vient de tomber malade, parfois pour un mois, et puis parfois plus si les personnes sont effectivement en arrêt maladie de longue durée ou en congé maternité, ça peut arriver. Donc voilà, on est un petit peu dépendant de ce planning, et puis voilà, on est tributaire des choix, on nous envoie à droite à gauche. C'est aussi une manière de nous mettre à l'épreuve, de nous tester, de voir comment on s'adapte aux différentes équipes. Chaque radio de Radio France a vraiment pas la même sonorité, même si la plupart ce sont des France Bleu, mais il y a vraiment une spécificité locale, et puis des gens qui travaillent pas de la même manière, et on apprend énormément au contact des différentes équipes. On découvre des territoires différents où il n'y a pas forcément les mêmes réalités, donc on appréhende aussi des choses différentes, et on apprend quoi un petit peu tous les jours. Alors ça va être le moment de la première pause musicale. Raphaël Duchemin, on parlait de Corse, oui. Justement, ça tombe bien, la première pause musicale, vous avez choisi quoi ? J'ai choisi, vous me laissez le dire, hein, j'ai bien compris. Ah oui, vous avez vu, je m'écarte du micro, je vous laisse le dire. Ouais, Corsica de Pedro Guelfucci, parce que c'est la musique qui ouvrait l'antenne quand je travaillais à Radio Corse Frequenza Mort, qui est donc une des radios locales de Radio France. À 6h, quand on prenait l'antenne, on écoutait Pedro Guelfucci. De Pedro Guelfucci. J'ai bien tenté là, Raphaël. Super. Alors évidemment, donc c'était sur cette chanson que vous ouvriez l'antenne, donc sur l'antenne locale de France Bleu en Corse. Vous y étiez à quelle période donc, du coup, histoire de resituer un petit peu les années. Été 94, ça a été une période assez difficile parce que l'été 94, c'est le moment où la guerre entre les différents clans nationalistes fait rage et où il y a énormément de morts. De mémoire, c'est l'année où il y a le plus de morts, je crois qu'on est à 40 à la fin de l'année 94. Donc c'est véritablement sanglant. Moi je débarque, j'ai 21 ans. Et je découvre tout ça parce que c'est pas évident d'être plongé. C'est vraiment une micro-société à part entière. Faut comprendre l'histoire. Corse. Et quand on vient de l'extérieur, c'est tout nouveau. Donc on avance vraiment à pas compter. On arrive dans des conférences de presse de mouvements nationalistes qui finalement sont un territoire totalement inconnu. Donc on observe, on écoute. Je me souviens être allée à une conférence de presse où mon directeur d'antenne m'avait dit « Écoute, je t'envoie, tu ne t'inquiètes pas, personne ne va poser de questions, toi tu en poses. » Je dis « Ah bon, mais comment ça personne ne pose de questions ?» Il dit « Tu verras, tu poses des questions et tu reviens. » Bon, alors je descends. C'était un local qui était situé sur juste à côté de la grande place de Bastia, la place principale qui s'appelle la place Saint-Nicolas. Et donc j'arrive, je monte les escaliers. Il y avait tout le monde derrière une grande table avec des gens debout. L'exécutif du mouvement était assis avec des feuilles. Et donc donne lecture d'un communiqué parce que c'était comme ça que ça se passait. Et bon, un grand silence se fait et moi je pose une question en disant bon alors si j'ai bien compris et je me dis je vais risquer une première question puis si on me répond j'entendrai une deuxième. Là j'ai un grand éclat de rire et puis on me répond. Donc j'en pose une deuxième puis une troisième et puis je plie bagage et je dis merci beaucoup et je m'en vais. Et je suis rentrée à la radio, le journal de midi de RCFM. J'ai fait un petit papier dans lequel je commençais en disant une conférence de presse sans caméra ni micro n'est pas une conférence de presse. Et la semaine d'après, j'y suis retournée. Ils m'ont dit bonjour Madame Duchemin, aujourd'hui vous pouvez poser des questions. Je dis écoutez, vous voyez, c'est la preuve que vous pouvez évoluer. Je crois que j'étais un petit peu inconsciente quand même, mais bon, ça m'a pas joué trop de tours. Ça s'est plutôt bien passé. J'y suis restée jusqu'en 2001 en Corse, donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est une expérience vraiment sur le terrain. Là, on peut pas mieux. Il y a beaucoup de politique, il y a énormément de faits divers. Tout est à prendre avec des pincettes. Donc on pèse, on sous-pèse chaque mot qu'on prononce. On est obligé de vérifier, de contre-vérifier. On vit vraiment dans une micro-société. Moi, je ne pouvais pas faire un pas sans que on me dise « Ah, on t'a vu avec machin, tu as bu un café là, à telle heure. » Bon. Voilà, il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas forcément d'arrière-pensée. C'est un très bel endroit. Pour moi, c'est le plus bel endroit du monde. C'est magique. C'est une île qui est formidable. Quand on sait lui donner, elle sait nous rendre. Mais après, il y a des spécificités. Il faut en tenir compte. Et c'est pas toujours évident. Et quand on apprend son métier là-bas, on a une chance folle parce que justement, on arrive à véritablement prendre la mesure de chaque chose et comprendre que ce métier-là, si on veut bien le faire, il faut vraiment aller dans le détail, pousser les choses, ne pas s'arrêter à ce qu'on voit à première vue, mais aller toujours au-delà, questionner les choses, et puis voilà, prendre véritablement tout en compte, y compris les contextes. Donc moi, j'ai toujours dit que c'était la plus belle expérience qui pouvait m'être offerte parce que j'ai véritablement appris mon métier là-bas. Oui, parce que là, vous me disiez, lors de vos études, vous avez fait langue étrangère appliquée, vous aimiez beaucoup l'anglais. Là, vous tombez quand même dans cette radio, vous faites donc de l'actu, de l'info pure. Hein. Vous n'avez pas de spécificité, que ça soit politique, que ça soit même bon, pas culturel, mais vous avez pas de, vous êtes sur de l'info, vous faites un travail de journaliste dans l'essence même du journalisme. Oui, on passait, cet été-là aussi, été 94, par exemple, il y a eu des feux monstres qui ont ravagé la Corse. Bon voilà, on se retrouvait avec tout un tas. Je me souviens, il y avait deux CDD avec moi qui avaient des noms pinsou, comme on dit. Moi, j'avais la chance d'avoir fait italien, donc j'arrivais à peu près à m'en sortir avec la prononciation. Mais alors, eux, les pauvres, c'était une catastrophe. Donc à chaque fois, les présentateurs les coupaient au milieu de la liste de communes qui étaient dévastées par les flammes en disant stop, ça suffit. Arrêtons le carnage parce que les Corses sont attachés à leur langue, à leur identité, ce qui est bien normal. Elle est très forte et elle est très présente, elle est très belle aussi, mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez ombrageux avec tout ça, donc il faut dire ce qui est. Vous n'êtes pas corse, alors non. Comment s'insérer dans la vie locale? Alors bon, on sait que dans la vie locale, même en France, c'est difficile, effectivement, il faut apprendre, il y a des codes, mais alors en Corse, encore plus. Il faut avoir une capacité d'adaptation, j'espère que je l'ai, ça n'a pas toujours été facile. On ne m'a pas fait que des choses sympas, il y a eu quelques choses trappes, quelques pots de bananes. Voilà, j'ai pleuré aussi parfois, mais j'avais pas envie de lâcher parce que je considérais que j'avais ma place là-bas. Et puis, pour être tout à fait honnête, je me suis mariée là-bas. J'ai ensuite divorcé. J'étais mariée avec un technicien de Radio Corse Fréquence à mort, avec qui j'ai passé 7 ans. Ça a été une très très belle expérience. Et c'est vrai que voilà, il m'a aussi appris à découvrir la Corse sous toutes ses facettes. Et moi, je baignais véritablement là-dedans. J'avais la chance aussi de comprendre, puisque je parlais italien, donc de comprendre véritablement le Corse. Donc j'arrivais à monter des sons, à faire des interviews, moi en français, avec des réponses en Corse, que je montais en Corse. Donc je ne le parlais pas, je le comprenais, ce qui était déjà beaucoup finalement. Alors justement, vous parlez de votre rencontre personnelle. La vie dans cette petite radio, finalement, c'est une petite équipe. Comment justement vous découvrez ce milieu radiophonique? Alors vous, évidemment, avec des techniciens, avec vous qui découvrez l'antenne, avec un directeur d'antenne qui connaît le terrain. Comment vous découvrez la radio là-dedans? Comment je découvre la radio là-dedans? Finalement, je suis un peu poussée. J'ai pas le choix, quoi. Hein. La radio, elle s'impose. On est porté par l'actualité. On n'a pas le temps de réfléchir. Moi, je me suis retrouvée très rapidement à faire des choses importantes, hein, parce que quand vous travaillez l'été d'abord sur des radios locales, finalement, vous héritez de l'actualité. Et en Corse, elle est souvent importante. Donc vous traitez d'assassinats, donc vous n'avez pas le temps de réfléchir. Ça s'impose. Vous faites le travail, vous apprenez sur le tas et vous mettez à aimer la radio, à aimer tout ce qui passe finalement par le micro, par les ondes, parce que y a des gens qui vous appellent, qui vous saluent, qui vous disent bonjour. Il y a aussi toute la partie animation dans les radios locales de Radio France. Donc finalement, c'est pas du tout impersonnel. Hein. Les gens vous connaissent, ils apprennent à vous apprécier. Donc de temps en temps, il y a un petit mot au standard. De temps en temps, il y a quelqu'un qui râle. Qui téléphone pour dire la petite elle a écorché le nom de tel. Bon, voilà, ça fait partie finalement du jeu. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on est séduit au bout d'un moment et qu'on ne peut plus s'en passer. Alors justement, vous me dites que ça se termine en 2001. Pourquoi ? Ça se termine en 2001, parce que le personnel rencontre le professionnel et que effectivement je me sépare. Donc j'ai besoin de partir. Et là, les choses s'enchaînent assez bien. Je suis transférée à Toulon, qui est mon port d'attache naturel, et je vais remplacer une de mes collègues qui part en congé maternité. Et puis derrière, il y a un projet qui est de monter une micro locale de Radio France. C'était parmi les premières. Donc Christiane Chadal, qui est la grande patronne de France Bleu Provence, puis par la suite la patronne de France Bleu tout court, me dit écoute, voilà, je voudrais que tu trouves des locaux, je voudrais qu'on monte vraiment cette micro locale. Essaye de trouver, t'es la fille du pays, donc essaye de regarder ce que tu peux faire. C'est un autre défi pour vous. Ouais, enfin, là, et c'est génial. C'est génial parce qu'en même temps, voilà, j'ai pas le temps de m'arrêter sur mes problèmes perso. Et puis je vais tout doucement réapprendre à découvrir ma terre natale, le Var, à sillonner, parce qu'à l'époque, je suis RER, reporter en résidence, donc je couvre pour France Bleu Provence le Var, mais aussi correspondante France Inter, France Info, France Culture. Et voilà. Hein, la totale. Et donc, on va aux quatre coins du département quand on doit faire une carte postale de Brégançon ou alors couvrir les incendies. Ce qui m'est arrivé aussi dans le Var quand les pompiers sont morts sur la départementale 14. Voilà, donc il y a vraiment là aussi énormément de choses. On peut très bien faire un reportage sur la truffe du côté de Hobbs, comme le départ du Charles de Gaulle. Je crois que ça a été un de mes premiers reportages quand je suis arrivée à Toulon. D'accord. Et donc, vous arrivez à monter donc cette micro-locale. On monte la micro-locale, oui. Et puis, alors, vous y restez combien de temps? Je pars. C'est vrai que j'ai un peu la bougeotte. J'aime bien, tous les 5 ans, à peu près, changer d'endroit. Je me suis aperçue de ça. Non, mais bon, voilà, c'est pas une envie, mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà, j'aime bien me remettre en question. J'aime bien faire bouger un petit peu les lignes et puis pas m'ennuyer. En 2006... je pars pour Paris. Et voilà, je me sentais enfin prête à affronter la capitale. Et je me dis que ben, je vais aller taper à la porte de France Info. Il y a un poste qui se présente, qui est à l'époque un poste de rédacteur en chef suppléant et présentateur, c'est double casquette. Je me dis, tiens, ça c'est pas mal, j'ai envie de prendre un petit peu de hauteur, faire un peu autre chose, mettre les mains un peu dans le cambouis. Ça m'est offert comme possibilité, donc je saute sur l'occasion. Et je me lance dans l'aventure, donc j'arrive à France Info. Très rapidement, en fait, on me propose de rejoindre le service politique. Et là, je vais couvrir la campagne de 2007, à partir du mois de septembre 2006. Et je couvre la campagne derrière le candidat de la droite, à savoir Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est le moment de la seconde pause musicale. Vous avez vu ce teasing. Vous avez choisi quoi ? Je crois que c'est quelque chose un petit peu en lien, malheureusement, avec l'actualité, Raphaël. Ouais, j'ai pas fait exprès. C'est un morceau que j'adore. C'est un David Bowie. Alors, j'aurais pu en choisir d'autres. Voilà. Bon, choix personnel qui entre en collision avec l'actualité. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be off with you. This is ground control to Major Tom. De David Bowie qui nous a quitté bien hier matin à l'âge de Raphaël à 69 ans. Voilà, c'était le choix de votre deuxième pause musicale. On s'est arrêté toute ma jeunesse. Je sais, et de beaucoup là, on le voit partout sur les réseaux sociaux et partout. Oui, je comprends bien. On vous a laissé en 2006. Vous suiviez donc Nicolas Sarkozy. Ah, j'étais jeune à l'époque. Vous le suiviez donc avant l'élection présidentielle de 2007. Vous n'avez pas arrêté de courir partout en suivant Nicolas Sarkozy, je suppose. Ah bah c'est ça, voilà. Je comptais les jours où j'étais chez moi en fait. Ça allait plus vite parce que on avait tout le temps un baluchon de près et on n'avait pas les fesses posées dans le bus qui nous amenait au meeting du soir, qu'on recevait déjà le communiqué qui nous disait voilà, demain vous êtes à tel endroit, il faut prendre tel train, etc., etc. Ça n'arrêtait pas, c'était non-stop. on a sillonné la France et parfois même plus, hein, puisqu'on on est allé à l'étranger, voyage en Algérie dont je me souviens notamment. Voilà, on n'a pas arrêté une seconde, ça a duré des mois. C'était une sorte de machine de guerre. On était, on nous a souvent appelé d'ailleurs, peut-être un peu à tort, les embedded, les embarqués de Sarko, parce que c'est vrai qu'il y avait un effet mouton de panurge, hein. On était une espèce de troupe, on était toujours les mêmes, parce que quand vous faites de la politique et que vous suivez un candidat pour finalement arriver à le cerner au plus près, à voir les inflexions dans son discours, à comprendre finalement ce qui peut bouger d'un jour à l'autre, à le scruter, à l'observer de près, vous êtes obligé d'être là tout le temps. Donc on était toujours les mêmes, toujours derrière lui, quasiment 24 heures sur 24. Il avait un appétit aussi, lui, d'aller à droite à gauche, de nous parler sans cesse. On n'était pas si tôt dans l'avion que on était appelé par le staff de communication pour nous dire venez à l'avant, il a des choses à vous dire, alors qu'on venait de terminer un meeting et que nous on pensait enfin se reposer, regarder un film pendant les deux heures. Non, c'était pas possible. On avait véritablement un rouleau compresseur face à nous, quelqu'un qui avait pensé une campagne de manière assez spectaculaire, qu'on l'aime ou non, qu'on partage ses idées ou non. C'était véritablement c'était novateur. Je voyais ma collègue de France Info qui travaillait sur la gauche et qui suivait Ségolène Royal, c'était beaucoup plus impressionniste, hein, en face. Donc elle était parfois assise en face de moi, elle recevait un coup de fil et on lui disait Ségolène Royal, elle est à tel endroit. Mais comment, attendez, elle est partie, mais nous on n'est pas là, on la suit pas, mais comment elle a pu partir sans que les journalistes la suivent? Voilà, il y avait vraiment deux campagnes avec deux personnalités qui n'avaient rien à voir, et bon, on était une sorte de voilà de bande embarquée derrière lui. On a été beaucoup critiqué à l'époque, je vous dis parfois à tort, parce que je pense qu'on a quand même pointé pas mal de choses du doigt, on a fait notre boulot, ouais, vous avez fait votre travail, mais c'est vrai qu'il y avait une impression grégaire, hein, de l'extérieur, et que les gens avaient le sentiment que finalement on était acquis à sa cause, ce qui n'était pas forcément le cas. Alors, j'ai deux questions. Par rapport à votre travail de journaliste, ça change du tout au tout. Vous êtes effectivement aux quatre coins de la France et de l'étranger, etc. Qu'est-ce que vous apprenez au point de vue journalistique en le suivant ? Est-ce que vous arrivez, enfin, oui, est-ce que ça vous fait évoluer ? Est-ce que ça vous fait progresser ? Là, vous êtes dans une configuration complètement nouvelle. Moi, pour le coup, je pense que j'ai gagné en confiance. Ça m'a appris des choses à deux niveaux. Au niveau professionnel, à travailler vite, à aller à l'essentiel, à voir effectivement les petites choses qui changent dans un discours, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, quand j'entends un discours à la télévision, que ce soit de François Hollande ou d'un politique, s'il faut sortir un extrait, je sais que c'est là et pas ailleurs, parce que c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui fait que ça va faire réagir, c'est ça qui est inattendu, voilà. Donc ça, on apprend finalement à cerner ces choses-là, parce qu'on est abreuvé 24 heures sur 24 de discours, hein. On reçoit des pages et des pages, il y a le discours écrit et puis il y a le discours prononcé, ça c'est aussi deux choses bien différentes, bien souvent on nous les donne au dernier moment, c'est pas pour rien, c'est parce que parfois le candidat ou la candidate ont envie de rajouter un petit grain de sel, puisque c'est pas forcément eux qui écrivent la totalité de leur discours, donc il y a une petite touche personnelle qui vient parfois s'ajouter. Et puis, au niveau personnel, ça a été une formidable aventure humaine. Parce que quand vous vivez en communauté, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, voilà, faut faire avec, hein. C'est pas évident. Il y a des personnalités très différentes. Il y a des gens avec qui vous entendez, d'autres avec qui vous entendez pas. Il y a des gens qui jouent perso. Il y en a d'autres qui vont, au contraire, être de bons camarades. Finalement, on apprend énormément dans ce genre d'aventure sur la nature humaine. Et sur soi, et sur sa capacité aussi à encaisser les coups. Donc pour ça, moi je dis merci, parce que véritablement, ça a été quelque chose de marquant. Je me souviens, avec moi se trouvait quelqu'un qui s'appelle Paul Joly, qui a été rédacteur en chef du service politique de RTL, qui est parti à la retraite entre-temps. Et Paul, qui a pourtant suivi la campagne de Mitterrand, me disait « Je n'ai jamais vécu un truc pareil. Jamais. » Ah ouais, donc ouais, effectivement des partages d'expériences sur cette période et ces événements assez hallucinantes, quoi. Complètement, parce que on est sur quelque chose de, on sent bien qu'on est sur un moment finalement ouais, historique, que au niveau politique il se passe quelque chose. Voilà, c'est pas n'importe quelle campagne. La France est en train de changer, découvre un personnage qu'elle avait peut-être pas naturellement envie de porter au pouvoir, et finalement il est en train de devenir président sous nos yeux. Et ça, cette métamorphose là on l'a véritablement vécu de près. On l'a vu se transformer, on l'a vu évoluer. On l'a vu changer, et ça c'est quand même assez phénoménal. Alors en tant que journaliste justement, est-ce que vous pressentiez que ce serait lui qui serait élu par rapport à votre collègue qui couvrait Ségolène Royal, qui elle peut-être la couvrait d'une façon un petit peu différente? Est-ce que vous, en suivant Nicolas Sarkozy, vous vous êtes dit il va être élu? Oui. Parce que j'avais le sentiment qu'on avait face à nous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une véritable machine de guerre. C'est-à-dire qu'il avait un parti qui était taillé à sa main, qui était véritablement finalement le bras armé hein, du candidat, et qui faisait le nécessaire pour conquérir les foules. C'est-à-dire que quel que soit finalement le public qu'il avait face à lui, il arrivait à le retourner. Il arrivait à le convaincre. Même des gens qui n'étaient pas forcément à l'époque favorables ou de droite, ils trouvaient le moyen de semer le doute et de dire finalement, c'est pas mal là, ce qu'il est en train de dire. Peut-être qu'on va réfléchir. Et ça, c'était quand même assez stupéfiant parce que on arrivait, nous, sur des endroits où on faisait des interviews avec des gens qui nous disaient « Sarkozy, non mais la droite, mais pas question !» Et les mêmes, 2 heures plus tard, on l'a retrouvé et ils disaient « Ah ben, quand même, il est fort hein. !» Et cette capacité à retourner les gens, c'est quand même assez rare. Et moi, je ne peux pas vous dire que j'ai vu ça très tôt, mais vers la fin de la campagne, oui, pour moi, il n'y avait aucun doute. Il allait être élu. C'est vrai que ça s'est pas forcément joué à beaucoup de choses, mais quand même. Alors, jusqu'à il y a très très peu de temps, vous êtes resté donc sur France Info. Ouais. Vous avez fait pas mal de tranches horaires. Hein. Vous avez fait effectivement, vous avez fait des matinales en co-animation, on va dire, avec un homme, puisque je donne en comparaison avec Marc Fauvel. Voilà. Avec Olivier Aymon, j'ai eu beaucoup de partenaires. Voilà, c'est ça. Radiophonique, hein, voilà. Bien sûr. Et maintenant, Fabienne Sintas est toute seule à la matinale de France Info. Vous avez fait également la tranche horaire midi 14h. Oui. Pourquoi ça se termine France Info? Pourquoi ça se termine? C'était il y a très peu de temps. C'était cet été. Ça se termine parce qu'on me fait une formidable proposition. On vient me chercher. Philippe Antoine, pour ne pas le nommer, qui est le directeur de la rédaction d'RMC, m'appelle un soir en me disant « Écoute, j'ai envie de te rencontrer. J'ai des choses à te proposer pour la rentrée. Est-ce qu'on peut voir ?» Vous le connaissiez d'avant? Pas du tout. Donc je dis « Ok, voyons-nous. Déjeunons. » On est, je crois, à même pas 15 jours de mes vacances. Donc je suis en train de préparer ma grille de rentrée. Je suis censée rempiler sur le 12-14 à France Info avec plein de choses qui sont censées bouger. Et puis Philippe me propose de remplacer Jean-Jacques Bourdin pendant ses vacances, d'assurer les journaux de 6h, 7h, 8h et 9h sur RMC, et me fait une proposition qui me tenait à cœur, d'être la rédactrice en chef de la matinale d'RMC. Et ça, c'est quelque chose qui pèse lourd aussi dans la balance pour moi, parce que c'est quelque chose que je souhaitais. J'avais envie, et je l'ai dit à plusieurs reprises, de mettre un petit peu les mains dans le cambouis, de faire passer des idées, de suggérer des choses, quitte à en assumer les responsabilités si les choses fonctionnaient pas. Mais voilà, je disais souvent à France Info, je passe mon temps à râler, c'est vrai, mais donnez-moi la possibilité d'être à un autre endroit, et à ce moment-là, on verra. Peut-être que je râlerai moins, peut-être que c'est moi qui prendrai les coups, mais voilà, j'ai envie de ça. Et puis, bon, ça s'est pas fait à France Info pour plein de raisons, notamment parce que l'argument, souvent, c'était de me dire « Mais oui, mais tu es bien quand même à l'antenne !» Et bon, voilà, donc comme j'aime l'antenne, j'aime le micro, j'aime le contact avec les gens, J'avais pas forcément non plus envie de lâcher. Et là, là, c'est une proposition magique. Je garde l'antenne. Ouais. Je deviens rédactrice en chef. Je remplace Jean-Jacques quand il était en vacances, Joker. Bon, bah, c'est génial. Ça se refuse pas. Alors, par contre, c'est fromage et dessert. Ça ne se refuse pas, mais vous changez complètement de format, complètement d'ambiance, complètement. Mais voilà, ça, c'est génial aussi. C'est génial aussi parce que je pense que voilà, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir. Moi, j'ai 43 ans. Si je l'avais pas fait maintenant, je me disais qu'après, c'était voilà, peut-être trop tard. Ça faisait 21 ans que j'étais à Radio France. C'est une très belle maison. J'y ai une partie de mon cœur. Ça, c'est évident. Mais en même temps, je suis curieuse. C'est ma nature, c'est mon métier qui veut ça. J'avais envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs. J'avais envie de me mettre en danger aussi, parce que je crois que c'est comme ça qu'on avance. Et puis, ben voilà, j'ai sauté dans le grand bain et je le regrette pas. Alors, ça fait 6 mois que vous y êtes. Hein. Vous avez vécu les attentats de novembre, il me semble, à l'antenne, hein, ouais. Parce que vous avez repris l'antenne dans le week-end qui a suivi. Justement, comment on vit ? Alors, vous avez vécu beaucoup de gros événements à Radio France. Là, comment vous l'avez vécu à RMC ? Ouais. Comme toute rédaction, est-ce que vous êtes complètement tous regroupés ? On est une petite rédaction. Une petite rédaction qui est pas la rédaction de France Info, qui est beaucoup plus importante. Mais je pense que ça, c'est commun à peu près toutes les radios, franchement, dans ce genre d'attentats, d'événements. Voilà, on réfléchit pas. On vient, on se relève, on cherche pas à comprendre. On est tous dans le même bateau et c'est tellement grave ce qui se passe que on a juste envie de faire la meilleure antenne possible pour expliquer aux gens, pour leur dire ce qui se passe, pour recueillir des témoignages, donner la parole aux gens qui ont envie et besoin aussi parfois de s'exprimer. Et donc voilà, on prend l'antenne et on la lâche quand il faut la lâcher. C'est-à-dire que moi, je crois que le samedi matin, j'ai fait les journaux de 6h à midi. J'ai fait des journaux de 10 minutes toutes les demi-heures. Voilà, mais ça m'a pas pesé parce que c'était évident. Il fallait être là, il fallait dire aux gens ce qui se passait, il fallait leur expliquer, les soutenir aussi, parce que c'est un fil conducteur, la radio, c'est quelque chose que vous avez partout, dans votre salle de bain, dans votre voiture, sur votre téléphone, donc c'est important qu'on accompagne les gens dans ces moments-là, et RMC a su le faire très bien, aussi bien que France Info, par exemple, qui est une radio d'information continue, on est passé en spécial et on a tenu l'antenne le temps qu'il fallait. C'est-à-dire que les sports nous ont aidés, sont venus, nous ont dit on vous met des nagras, on vous met des reporters à disposition, on est derrière vous, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a fait de l'antenne, de la spéciale, comme si on avait été une radio d'information continue. C'est la preuve qu'avec de la volonté, on peut finalement renverser des montagnes. Comme d'habitude, à la fin de l'émission, nous sommes toujours très très en retard. Raphaël, vous parlez beaucoup, vous êtes une journaliste et ce n'est pas pour rien. Avant de passer au questionnaire rapide, une question, allez, un peu rapide. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2016 ? C'est le mois des vœux. De continuer Il y en a tellement que je ne sais pas faire le tri, en fait. Il faut faire le tri. De la paix. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis, ça, pas c'est... que pour moi, oui. De la paix tout court. Pour tout le monde. Alors, une femme de radio qui pourrait être votre modèle ? Christiane Chadal. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? RMC. Radio Monte Carlo à l'époque. Oui, je suis fille du Sud. Voilà, c'est ça. Vous revenez au final un petit peu aux sources. Exactement. Quelle radio vous réveille le matin et à quelle heure vous vous levez ? France Info, parce qu'il y a des flashs toutes les demi-heures et que du coup, il y a de l'info en continu et je me lève à 1h15. Quelle radio vous endort le soir ? France Info aussi, pour les mêmes raisons. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? La voiture. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Il n'y en a pas. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un seul à retenir ? Un reportage que j'ai fait il y a très longtemps à France Bleu Land, où un monsieur avait un alambic et personne voulait prendre la suite. C'était un vieux campagnard et il était obligé de passer la main et il y avait personne dans sa famille qui voulait prendre la suite. Et je me revois assise à la table de sa cuisine avec la Napa Caro et me dire, tu vois, petite, l'Armagnac, c'est comme les femmes, il faut l'aimer. Et ça, ça fait partie des choses qui sont importantes, qui vous guident, qui restent là, au fond du cœur, parce que ces rencontres-là, c'est le sel de la vie, c'est le sel de la radio aussi. Le pire souvenir, s'il n'y en a qu'un? La couverture des attentats. La couverture des attentats, j'étais en direct pour Charlie Hebdo, j'étais en direct par la suite aussi. Entre 12h et 14h sur France Info, ça a été un moment terrible. Un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Ne jamais lâcher, jamais. C'est un conseil très positif pour finir cette émission. Merci beaucoup Raphaël Duchemin. Merci d'avoir vous. Fait cette première émission de 2016. Vous pourrez réécouter toutes les émissions sur le www.lamecaniquedesondes.com et le www.fréquenceprotestante.com, bien sûr. À bientôt. Radio.